se marier, c'était pas con. Landru choisit Marie Picui. Landru les aime pas cru. Landru choisit Marie Picui. Landru les aime pas cru. Si ce mec n'avait pas existé, Barbe bleue, c'était le dernier. Landru choisit.